إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette muhadara, il y a un point important à préciser quant au fait que je vais, biznillah, évoquer beaucoup de versets dans ce qui va suivre, et qu'il y a une règle importante émise par les ulama, par les savants, qui pourra permettre d'exercer pas mal de points, qui est dans la façon de prendre un verset comme preuve dans un sujet quelconque. Et cette règle, elle est que Al-ibra bil-umum al-lawz wa la bi-khusus al-sabab. Comme l'a dit l'imam Ash-Shinqiti dans son livre Muzakkirat fi usul al-fiqh, il cite que la règle, c'est que un verset, les preuves ne se basent que sur le côté apparent des termes employés dans le verset et ne sont pas restreints aux causes de sa descente. D'accord, que les causes ne sont pas basées, du moins la preuve n'est pas basée que sur la cause de la venue du verset, mais plutôt sur les termes employés dans le verset en lui-même. Non. Et il cita comme preuve de cela le hadith de cet homme qui avait embrassé une femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala descendit le verset Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Que certes, les bonnes actions effacent les mauvaises. Donc de là, ce sahabi interrogea le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant est-ce que ce verset ne me concerne que moi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, il concerne toute ma communauté. Également, l'histoire de Ali et de Fatima radiallahu anhuma, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vint auprès d'eux, il les trouva en train de dormir. Il voulut les réveiller pour qu'ils accomplissent Qiyam al-Layl. Et Ali lui dit que nos âmes, Bayna aidi Allah, Bayna aidi Allah, yabathuha kafasha. Que nos âmes, c'est-à-dire nos personnes, sont entre les mains d'Allah et qu'il nous réveille quand il veut. Du fait qu'il n'a pas pu se réveiller, mettant en cause cela que Allah ne l'a pas réveillé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en alla, s'en détourna, tout en frappant sur ses cuisses et dit « Wa kana l'insan aksara shay'in jadala » C'est-à-dire que l'homme est ce qu'il y a de plus querelleur. Que l'homme est ce qu'il y a de plus querelleur. Donc ça veut dire qu'il a rentré Ali dans ce verset, alors qu'à la base ce verset concernait les koufars, les mécréants qui eux avaient pour habitude de polémiquer face au Coran. Donc là on voit que des versets peuvent être pris comme preuve et ne sont pas restreints à la cause pour laquelle ils sont descendus et les personnes directement pour qui ils sont descendus. Non. Donc de là nous allons pouvoir commencer dans le vif du sujet, bismillah ta'ala, si cette règle est comprise. Tayyib. Donc nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala créa les fils d'Adam et les divisa en deux catégories initiales qui sont les kuffars, les mécréants et les mu'minines, les croyants. Yaqulu azza wa jal wallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. C'est lui qui vous a créé, parmi vous il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il y a les bienheureux et les damnés, les malheureux, c'est-à-dire les deux catégories. Yaqulu subhana yawma ya'ti la tukallimu nafsun illa bi'izni faminhum shaqiyyun wa sa'id. Le jour où cela arrivera, Nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, c'est-à-dire celle d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Pouvant cela également, le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith, concernant la création de l'homme dans le ventre de sa mère, après que l'ange ait été envoyé pour insuffler le souffle de vie, il dit, فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيِّ أَوْ سَعِيدِ, que l'ange sera ordonné de décrire quatre choses. La subsistance du serviteur, son terme de vie, ses œuvres, et est-ce qu'il sera parmi les heureux ou bien les damnés, les malheureux. Donc là, on voit que ces deux catégories sont citées là. وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدِ. Également, ces deux catégories sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, du moins l'une des deux catégories, la meilleure, sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont partis. Yaqulu azza wa jal, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. En vérité, les alliés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui croient et qui craignent Allah, tels sont les alliés d'Allah, s'est rapproché. Wa yaqulu subhana ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah alayna hizbullah hum al-muflihun. Il a prescrit dans il a prescrit la foi dans leur cœur, il les a aidés de son secours. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah et celui de ceux qui réussissent. Donc ça, c'est la première catégorie. Awliyaullah wa hizbu. Le deuxième, la deuxième catégorie, qui sont Awliya shaitan wa hizbu. Les alliés de shaitan et sont partis. Yaqulu subhana istawhadha alayhim ash-shaytan fa'ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan alayna hizbu ash-shaytan humul khasirun. Et shaitan les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti de shaitan et c'est le parti de shaitan qui sont assurément les perdants. Wa man yattakhidhi ash-shaytan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Et quiconque prend Shaitan pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Donc là, nous avons bien clarifié quelles sont ces deux catégories de personnes qui existent parmi les Bani Adam, les fils d'Adam alayhi salam. Il y a également les Munafiqoun. Bien qu'on applique sur eux les droits de l'islam en ce bas monde, ils font tout de même partie intégrante des koufars dans l'au-delà. Donc les Munafiqoun sont des koufars, quoi qu'il en soit, et la pire des catégories des koufars. Allah a réservé à chacune des deux catégories une destination finale bien définie pour les actions qu'ils auront commises lors de leur vivant en ce bas monde, dont la principale est son adoration, le Tawhid, qui est le point culminant, la frontière et la ligne de séparation entre les deux catégories, des fils d'Adam et même des djinns. Yaqulullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Cette destination est soit le paradis éternel ou soit le feu de l'enfer éternel. Fadikum fil jenna wa fadikum fil sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Yaqulu azza wa jal, inna alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nadi jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Inna alladhina amanu wa amilu ssalihat ulaika hum khayrul bariyya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an dhalika liman khashiya rabbah. Les mécréants des gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sur lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Et l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte un hadith selon Aïcha, radiallahu anha, toujours à propos de l'enfer du paradis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Aïchatu, inna Allah khalaqa al-jannata wa ahlaha, وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وأهلها وهم في أصلاب أبائهم. كل دي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم. هو عائشة. Certes, Allah a créé le paradis et ses habitants, alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur père. Et également, il créa le feu et ses habitants, alors qu'ils étaient encore dans les reins de leur père. Donc là, on voit que les deux destinations finales pour le Mukallaf, c'est Imma al-Jannah ou Imma al-Nar. Il en va de soi qu'Allah aime ceux qu'il aime et obéisse à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et méprise ceux qui ne se tiennent pas sous son ordre et ne suivent pas son message. Il les a qualifiés de kuffar, de mécréants, et se voient privés de son amour. Yaqulu subhana, qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhbibukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, wallahu ghafurun rahim. Qul ati'u Allah wa rasul, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors, et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et au messager, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les mécréants. Un shahid, Allah n'aime pas les mécréants. Et celui qui suit autre que l'islam comme religion fait partie de la deuxième et mauvaise catégorie, des damnés, des malheureux, des gens du feu, et sera du nombre des perdants dans l'au-delà. Yaqulu azza wa jal, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Wali'az billah. Les actions des mécréants sont vaines et vouées au néant, sans aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi nombreuses soient-elles. Yaqulu subhana, wallazina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsabuhu dhama'nu ma, hatta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a, wa wajada Allah 'indahu wa waqahu hisaba, wallahu sali'ul hisab. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, et Allah est prompt à compter. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Allah a décidé de la présence de ces deux catégories sur terre, qu'ils soient tous amenés à vivre sur ce sol qu'il a créé, et rempli de richesses et de parures pour éprouver ses serviteurs, et différencier entre les membres de chacune des deux catégories. Inna ja'alna ma'ala al-ard zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver qui d'eux sont les meilleurs dans leurs actions. Il n'est pas, car Allah l'omniscient sait parfaitement ce que recherchent ses serviteurs. Hein, Allah sait parfaitement ce que recherchent et convoitent ses serviteurs. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu l'akhira. Il en est parmi vous qui désirent la vie d'ici-bas, il en est parmi vous qui désirent l'au-delà. Et il donna à certains plus qu'à d'autres, et tant à certains par d'autres, en vue de mettre à l'épreuve la patience et la certitude de ses fidèles serviteurs croyants. وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance et ton Seigneur demeure clairvoyant. Tout cela pour en arriver à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ses serviteurs obéissants, contrairement aux mécréants, associateurs, rebelles et orgueilleux, qu'il n'est pas permis aux musulmans d'aimer ceux qu'Allah déteste, qui qu'il soit. La tajidu qawman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Yaqulu jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil muwaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah sur votre Seigneur. Parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Quand kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu likumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bimma wa bada baynana wa baynakum al'adawatu wal baghda'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. L'amour en Allah et la haine en Allah, telle est l'anse solide de la foi, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Alors qu'en est-il d'élever ceux que Allah a rabaissés, de glorifier ceux que Allah a avilis et humiliés? Inna allazina yuhadun Allah wa rasula ulaika fil azallin. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront parmi les plus humiliés. Les preuves sont bien nombreuses sur ce point. Cependant, beaucoup de gens de l'islam, nous disons même presque tous, illaman rahmahullah, hormis ceux à qui Allah fait miséricorde, souffrent d'un grand mal dû à la grande ignorance et découlant du fort penchant qu'ils éprouvent face à l'obtention des biens de ce bas monde. Il s'agit du complexe d'infériorité face aux kuffars, face aux mécréants, pour ce qu'ils laissent apparaître comme soi-disant suprématie par une avancée technologique, matérielle, superficielle, comme richesse, luxe et aisance. Pourtant, dans son livre, le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses, celui vers qui nous reviendrons tous, a certes clarifié la situation de ces gens et expliqué pourquoi leur viennent ces richesses, afin que les croyants ne se fassent pas leurrer, ne soient pas émerveillés par leurs ennemis. Il dit Azza wa Jal, وَلَا تَمُودَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّمَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ne t'en point tes yeux, vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela, ce qu'elle a fourni est meilleur et plus durable. وَيَقُولُ سُبْحَانَا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَكَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Et que ni leurs biens, ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut pas là que les châtier ici-bas et qu'ils rendent l'âme péniblement en étant mécréants. L'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit en tafsir de ce verset: ne sois pas ébloui par ce que Allah leur a donné dans cette dunya comme richesse et enfants. Cela n'est nullement pour les en gratifier, mais juste pour les rabaisser avec. Innama yuridullah an yu'adhibahum biha fi dunya. Allah ne veut pas là que les châtier dans la vie présente. Hein? Ne veut pas là que les châtier dans la vie présente. Ils s'éreintent à les obtenir et craignent qu'elles ne viennent à disparaître. Ils ne savourent même pas, voire pire, qu'ils ne cessent d'en surmonter les difficultés et d'en souffrir, les écartant d'Allah et de l'au-delà jusqu'à ce qu'ils passent le cap de la mort. وَتَزْرَكَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Et qu'ils rendent péniblement l'âme tout en étant mécréants. Que ces biens les ont endurcis face à toute chose, que leurs cœurs en sont détenus, prisonniers et possédés. Fin de parole de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Toutes choses qu'Allah leur octroyait ne leur seront d'aucun secours. Aucun secours. يَقُولُ عَزَ وَجَلْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants, ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. Comme les gens de Fir'aoun et ceux qui vécurent avant eux, ils avaient traité de mensonges nos preuves. Allah les saisit donc pour leur péché et Allah est dur en punition. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Et que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ces délais que nous leur accordons soient à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché et pour eux un châtiment avilissant. et pour eux, un châtiment avilissant. Allah subhanahu nous cite clairement qu'ils ne tireront aucun avantage de tout cela. De ne pas s'imaginer que la fortune est une preuve d'amour, de réussite et de bonne guidée. Sans quoi son messager, sallallahu alayhi wa sallam, en aurait été le plus gratifié des hommes. Nous savons tous quel était son niveau de vie et son détachement profond de cette vie d'ici-bas. Toutes ces prescriptions sont présentes dans le livre et la sunna. Comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Ra'aita Allah yu'ati al-abda min al-dunya ala ma'asihi ma yuhibbuh fa innama wa istidraj » qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si tu vois Allah donner aux serviteurs comme bien de ce bas monde, tout en persistant dans sa désobéissance, ce qu'il aime et ce qu'il désire, sache qu'il s'agit là que, c'est-à-dire que Allah ne fait par là que le mener graduellement vers son châtiment. Allah ne fait par là que le mener graduellement. Ensuite, il récita dans le sens, puis lorsqu'ils eurent oublié ce que nous leur avons rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous le saisîmes soudainement et les voilà désespérés. Et la suite du verset, non cité dans le hadith, ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Yaqulu subhana, fazarni wa man yukadzibu bi hadha al-hadith, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, umli lahum wa inna kaydi matin. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours, nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas. Et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Fazaruhum fi ramratihim hatta hin. Ayahsabuna annama numaddihim bihi min malin wa banin. Nusalihum lahum fil khayrat bel la yash'urun. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et enfant soit une avance que nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Analysons donc avec clairvoyance toutes ces preuves. Elles démontrent que tout ce qui nous apparaît de ces gens comme richesse abondante et ce qui s'ensuit, les musulmans n'ont rien à leur envier. Les gens de l'islam n'ont rien à leur envier. Combien nous entendons d'ignorants, ou bien pire que les ignorants, dire qu'il faut suivre et calquer le modèle occidental à l'instar de l'Amérique ou de l'Europe, qu'ils les voient tels une référence, un exemple de réussite en ce bas monde. Et de là se voit, c'est-à-dire cette personne qui dit cette parole-là, ils se voient les imiter en tout, dans leurs mœurs, dans leur mode de vie, dans leurs coutumes, dans leur langue, dans leur accoutrement, et ont délaissé les valeurs de l'islam. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى ولو سلكوا حجر دب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Vous suivrez pas à pas les traces de ceux d'avant vous, à tel point que s'ils arrivaient à rentrer dans le taillis d'un lézard, vous les auriez suivis. Nous dîmes, ô messager d'Allah, les juifs et les chrétiens, il dit, et qui donc alors? Comme l'a cité Cheikh l'Islam al-Najdi, Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son fameux ouvrage, Kitab Tawhid, dans le chapitre, Bab, ma'aja'ana ba'd ahdil umma, yabud al-afan, dans son chapitre qui est, qu'une partie de cette communauté adorera les idoles. On en déduit donc que d'un point de vue peut-être différent que celui de l'auteur, Cheikh Najdi, rahmatullah alayhi, que ce suivi aveugle des koufars a poussé certains de cette communauté à apostasier et à embrasser leur religion et à en tomber dans le shirk, trompés par leur ignorance et leur convoitise des biens de ce bas monde. Les koufars usent de mains stratagèmes tout aussi occultes les uns que les autres pour en arriver à leur fin et guérir les muslimines. Leurs plus dangereux et leurs plus grands sont les médias. Ils propagent leur poison par la télévision pour impressionner les gens de l'islam, en exhibant leurs atouts et pour diffuser leur idéologie. Comment les musulmans en sont arrivés à instaurer la démocratie dans leur pays, à délaisser la charia en majeure partie, à dévêtir et à pervertir leurs femmes, et à se soulever contre les gouverneurs et à aduler les leaders du Kouf, à calquer leurs ennemis dans leur système et à leur obéir, négligeant l'ordre d'Allah. Et quel est cet ordre d'Allah ? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. Qu'en résulte-t-il de pencher vers eux ? Quelles en sont les conséquences ? يَقُولُ سُبْحَانَا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِلْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose que tu nous imputes. Alors, ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors, nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Et Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa la tarkanu lil ladhina zalamu fatamassakum an-nar. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait, et vous n'aurez pas d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Exhortation coranique du Seigneur des mondes pour ses serviteurs croyants de ne pas se pencher vers les injustes, vers ces corrupteurs, pervers, plus vils que les animaux. Tu les vois arrogants et fiers d'eux-mêmes, s'imaginant avoir dépassé les montagnes, alors qu'ils sont en extase devant un simple écervelé en short qui court derrière un ballon sur du gazon, jusqu'à en pleurer s'ils perdent un match. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ils se voient comme étant les plus grandes forces armées, se croyant invincibles avec leur arsenal militaire. Yaqulu azawajel, alam yaraw kam ahlakana min qablihim min qarnin makannahum fil ard. Makannahum fil ard ma lam numakkin lahum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous avons donné à ceux-là. Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler les rivières à leurs pieds. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Les faibles et les ignorants, si ce n'est pas pire, parmi les gens de l'islam, les imites, c'est-à-dire les koufars, dans leur structure militaire, dans leur hiérarchie, dans leur gestuelle, leur couleur, leur code, s'imaginant obtenir par cela la puissance, et que telle est la voie à suivre, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلِلَا الْعِزَّةِ وَلِلَا سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Rappelons-nous l'histoire de Khalid ibn Walid, lorsqu'il prit la tête d'une troupe de 3000 hommes et muslimines, et que Rome les attendirent avec plus de 100 000, si ce n'est pas 200 000 hommes. Des combats furent rage, au point que Khalid brisa 9 épées face à l'ennemi. Ils finirent par les mettre en déroute, bi'iznillah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yakun minkum miyatun sabiratun yal'abu miyatayn. Wa in yakun minkum alfun yal'abu alfayn bi'iznillah, wallahu ma'a sabirin. Et s'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000. Par la grâce d'Allah, et Allah avec les endurants. Telle est la promesse d'Allah pour ses serviteurs s'ils font preuve de patience devant leurs ennemis. Tu vois les koufars se vanter d'être les plus avancés dans la médecine. Mais ils sont les plus atteints de maladies, noyés dans des problèmes de santé. Les plus grosses épidémies et maladies meurtrières proviennent de chez eux, à la base. En guise de châtiment pour les grandes turpitudes qu'ils commettent, pour leur mauvaise nutrition, la chair morte qu'ils mangent, la chair de porc, l'alcool qu'ils boivent, les drogues qu'ils consomment, le tabac et autres, pour le manque d'hygiène dont ils font preuve malgré les apparences. Ils veulent donner des leçons de propreté alors qu'ils sont incapables de se nettoyer correctement après avoir accompli leurs besoins, au point d'en laisser des traces de najasa, d'impureté, dans leurs sous-vêtements. Wal'iazu billah. Ce qui leur causera le châtiment de la tombe, sans même parler de leur mécréance. Oui, ils sont experts en ce qui concerne les sciences de ce bas monde, chose qui devrait les rapprocher encore plus d'Allah face à la grandeur de sa création qu'ils constatent d'eux-mêmes. Et malgré cela, ils s'enfoncent dans la mécréance et sont inattentifs à ce qui adviendra, à ce qui en adviendra après la mort. Ya'lamuna dha'iran min al-hayati dunya wa hum 'an al-akhirati mughafilun. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Ils luttent pour les choses tertiaires, je ne dis même pas secondaires, se détournant des choses primaires, primordiales, essentielles. Leur exemple est-elle une personne se dirigeant, ou plutôt une personne se disant ingénieur en automobile, il serait capable de te confectionner les meilleurs sièges, les meilleurs essuie-glaces et la meilleure boîte à gants, le tout très sophistiqué, il ne serait même pas capable de savoir où se trouvent le moteur et les freins d'une voiture. Voilà comment ils sont ces gens-là. Parmi ceux qui prétendent croire en Allah, parmi les koufars, il y a les plus grands corrupteurs, les juifs, qui détiennent les plus grandes richesses de ce monde. Ils sont à la tête de la franc-maçonnerie. Malgré cela, on a pour habitude de les entendre se prétendre le peuple élu. Qu'Allah, Wallahi, ils sont un peuple maudit. Ils ne sont pas un peuple élu, mais ils sont un peuple maudit. Yaqulu subhana, lu'ina allazina kafaru min bani Israil, ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ceux des fils d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Et les juifs disent la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée et maudit soit-il pour l'avoir dit. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Et ce qu'on appelle les juifs à cette époque, demeurant sur leur judaïsme, après que le message de l'islam leur soit parvenu, sont tous concernés par cette larna, par cette malédiction. Ils se lamentent et se font passer pour des victimes sous couvert d'antisémitisme, alors qu'ils sont les plus grands criminels sur terre, les plus sectaires, cupides et avares des gens. Et ajoute à cela, les chrétiens. Ajoute à cela, les chrétiens qui, eux, s'imaginent être les fils d'Allah. Ta'ala amma yasifoun. Yaqulu subhana, wa qalat al-yahudu wa al-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uh. Kul falima yu'adzibukum bidhunubikum. Bal antum basharun mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Dis pourquoi, donc, vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Comme après cela, des gens qui lisent le livre d'Allah et suivent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, peuvent aduler de tels injustes, courber les chines devant eux, se sentir inférieurs à eux, vivre sous leur joug et courtiser leur mode de vie. Certains vont jusqu'à se réfugier auprès d'eux par peur d'être atteints par un mal. Yaqulu subhana, fatara allazina fi qulubihim maradun yusali'una fihim. يقولون نخشان تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح ولا ما أسروا في أنفسهم نادمين. Tu verras d'ailleurs ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui, alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Combien parmi ces gens faibles en religion quittent leur terre d'islam sous prétexte d'oppression de leurs dirigeants, c'est-à-dire des dirigeants des pays musulmans, pour chercher refuge chez les koufars. Ces gens-là, comment sont-ils? Ils sont-ils l'agneau qui irait chercher refuge dans la cage du lion par peur de prendre des coups de corne du bélier se trouvant dans son étable? Ayn al-Ukul, où sont les raisons de ces personnes-là? Ils croient que leurs droits, ils seront respectés. Quel droit attendez-vous de gens qui ne rendent pas à Allah son propre droit, qui est de l'adorer seul, sans associer? Quel droit attendre de ceux qui insultent son messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, le qualifiant de menteur, de brigand, de grand chemin, de pédophile, qui ne sont même pas capables de le nommer par son prénom et l'appellent Mahomet, wali'az billah, qui font des caricatures à son effigie, qui font retentir les cloches des églises faisant fuir les anges, et interdisent la adhan, comprenant la parole du tawhid, hein, la ilaha illallah, qui déshabillent et dévergondent leurs femmes et interdisent les nôtres de se voiler comme il se doit. Qu'attendre de gens qui sont la source des dernières révoltes dans les pays d'islam, comme en Tunisie, comme en Égypte, en Libye, en Syrie, au Mali, ainsi qu'au Yémen et ailleurs? Qu'ont-ils gagné, hein, ces révoltés? Qu'ont-ils gagné? La parole d'Allah y est-elle devenue dominatrice? La charia y a-t-elle été instaurée? Ou bien la démocratie? Il n'y a rien envié à ces gens, aussi fortunés soient-ils. C'est par le biais des gens aisés que se propagent les pires perversions, amenant le châtiment d'Allah et son courroux. Yaqulu azza wa jal,

ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et les yeux. Ce sont eux les insouciants. Et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. وَيَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Et quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. وَلِعَذُ بِاللَّهِ Allah ne donne aucune valeur aux mécréants qui ont refusé de répondre à son appel pour obtenir les richesses de ce bas monde. Yaqulu azza wa jal, kul hal nunabbi'ukum bi akhsarin a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yusalluna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa'abitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Dhalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Voulez-vous que vous nous informions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer, pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et enseignements et messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit selon Abu Huraira radiallahu anhu: Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim wa as-samin yawm al-qiyamah la yazin 'inda Allah janah ba'uda wa qala ikra'u in shittum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Qu'il dit: le jour du jugement viendra un homme corpulent et obèse, n'équivalent même pas au poids d'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit: si vous voulez réciter dans le sens le verset, nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Non. Donc Allah a décrit ces gens comme étant plus égarés que des animaux, plus vils que des animaux. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum ayunun la yabsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux ou plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Donc va-t-on se rabaisser devant de telles créatures, ô mes frères? Beaucoup d'entre eux vont même jusqu'à dire que leur père est un singe et que leur mère s'appelle Lucie. Wal'iyadhu billah. Quelle attitude doit-on adopter ou quelle attitude doit adopter le muslim face à ces créatures? Il ne fait aucun doute que les plus exposés à agir de la sorte et atteints par ce mal sont les muslimines qui vivent impunément en leur sein, sur leur terre, sous leur loi, sous leur régime, et s'y complaisent, hein, et s'y voient à l'aise. Certains font preuve de plus de dureté envers leurs frères de l'islam qu'envers les ennemis d'Allah. Ils n'osent même pas les nommer koufars, mécréants. Ils disent non-musulmans, par peur de les froisser ou de subir leur colère. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager de dire, dans son livre, « Qul ya ayyuhal kafirun » لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dit: ô vous les mécréants et non pas les non-musulmans, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion et à moi la mienne, hein, et à moi ma religion. Et comme il a été rapporté dans l'histoire authentique du mariage de Sulaym, qui est la mère de Anas, avec Abu Talha, radiallahu anhum ajma'in, qui était un homme riche. Abu Talha était un homme riche. Il n'avait pas encore embrassé l'islam. Hein? Il n'avait pas encore embrassé l'islam. Et lorsqu'il a demandé en mariage, que lui dit-elle, malgré son penchant pour lui, mais qu'elle ne pouvait accepter? Elle lui dit: Lakinnaka rajulun kafir, wa ana imra'atun muslima. Cependant, hein, tu es un homme mécréant, kafir, Et moi, je suis une femme muslima. Hein, une femme muslima. Elle ne m'a pas dit, tu es un non-musulman. Alors qu'elle était en situation de demande de mariage pour un homme qui lui plaisait. Cependant, elle lui a dit, la kinnaka rajulun kafir, en face. Et non pas non-musulman, réel musulman. Et aujourd'hui, celui qui nomme le mécréant, mécréant, kafir, il est vu comme une personne dure par ses frères, sans sagesse. Eux, ils disent, non, il faut ouvrir le débat avec eux, et ne pas les faire fuir pour les appeler à l'islam. Il faut les nommer non-musulmans, cela est plus convenable. Toi qui dis cette parole-là, penses-tu que tu ferais une meilleure da'wa que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, hein? Yaqulullah azza wa jal, Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء ولا الكفار رحماء بينهم محمد et le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants miséricordieux entre eux c'est-à-dire entre les croyants il dit عز وجل الذلتين على المؤمنين عزتين على الكافرين modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants donc vous voyez comment Allah décrit l'attitude adoptée pour ses serviteurs entre eux c'est la miséricorde et chacun degré descend de sa droiture bien sûr est dur avec les mécréants. Dur envers eux ne veut pas dire injuste. Et surtout envers ceux qui ont des proches parents étant mécréants. Ils ont les droits de parenté qui doivent être respectés. Et un amour naturel doit leur être donné. Cependant, ne pas oublier qui ils sont et ne pas dépasser les limites au point d'en devenir maillère, liquifiée et ramollée devant eux. Et montrer la izza de l'islam, la puissance de l'islam. Également, j'aimerais ici citer un hadith qui expose les critères de ceux qui ont réellement goûté à l'iman, à la foi. Comme cela fut rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, selon l'Abbès, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dhaq ta'mal iman man radia billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasoula » que certes a goûté à la saveur de la foi celui qui a agréé Allah en tant que Seigneur, et qui a agréé l'islam en tant que religion, et qui a agréé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme messager. L'imam Nawawi dit, en explication de ce hadith, dans son charh, explique en disant, là je cite directement la traduction, afin de ne pas trop allonger, traduction directement du sens des paroles de l'imam Nawawi. Il dit, l'auteur du tahrir dit du sens de la parole, j'ai agréé une chose, hein, Raditu Bishay, j'ai agréé une chose, c'est-à-dire qu'elle m'a convaincu, qu'elle m'a suffi, que je m'en contente, et que je ne désire rien d'autre, hein, que je ne désire rien d'autre avec. Et le sens du hadith, qu'il ne désire rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne se dirige pas vers une autre voie que celle de l'islam, et qu'il n'emprunte aucune voie que celle, ou du moins qu'il empruntera ce qui ne coordonne pas avec la législation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne fait aucun doute que celui dont tels sont les attributs, les critères, aura purifié la douceur de la foi dans son cœur et aura goûté à sa saveur. Et il ajouta également, l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, pour finir, une parole de Al-Qadi Iyad, où il dit, en résumé hein, de sa parole, disant qu'une telle personne, sa voix, ou plutôt sa foi, son voix raffermie. Et son âme s'y apaise et s'en rassure. Et son savoir se raffermit et sa clairvoyance s'accroît. Et que l'obéissance à Allah le sera facilitée. Et il en goûtera toute la saveur, c'est-à-dire des adorations, des actes d'adoration. Donc pour conclure ces paroles, je me rappelle à moi-même, ainsi qu'à mes frères et à tout musulman, de se remémorer ce que nous prononçons au minimum 17 fois par jour lors de nos salawats quotidiennes. Prescrite obligatoire par décret d'Allah. Ces paroles sans lesquelles notre salat n'est pas valide, qui est al-Fatiha, dans laquelle nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa ladh-dhallin. Hein? Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits. Regardez, nous-mêmes, nous reconnaissons verbalement que Allah a comblé ses serviteurs de bienfaits. Et non ceux qui subissent ta colère, ni des égarés. Hein, de ne pas suivre le chemin de ceux qui subissent ta colère, ni des égarés. Et dans le tafsir, qui sont-ils? Il s'agit des juifs et des chrétiens. Dans la Fatiha, nous demandons à Allah qu'il nous guide vers ceux qui ont été comblés de ce bienfait et de nous écarter de la voie des juifs et des chrétiens. Naam. Fabi hada qadr naktafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.